On contacte aussitôt Maxou, Chichi et Dédé, attablés dans un coin du Tortoni, avec leurs inconditionnels qui savourent le pastis. Trois fois, Chichi, faussement indigné, s'est levé pour crier. « Pas question. On a perdu, on est disqualifié et on ne joue pas la finale, c'est tout. Le règlement, c'est une chose. Mon honneur, une autre. C'est votre problème, monsieur. Je n'irai pas dans vos arènes. » Il s'est rassis lentement, avec son air des grands jours, espérant secrètement qu'on va le relancer. D'ailleurs, on lui doit bien ça, depuis qu'il amuse la galerie. Une finale des Olivettes sans Chichi serait inconcevable. D'un air grave, Maxou vient à son secours et lui parle doucement à l'oreille. « Allez, Chichi, fais pas ton couillon, Zou, on y va aux arènes. Tu peux pas nous lâcher, ils seraient trop contents, les autres. » Tous les bons clients sont autour de la table à retenir leur souffle. Un troisième ange passe, et c'est le dernier. « Bon, ce n'est pas pareil, et ça change tout. Eh, pardine, si c'est pour sauver les Olivettes, on peut discuter. Je dis pas non, mais c'est bien pour vous faire plaisir. Moi, vous savez, finale ou pas finale, c'est kiff-kibourico. Là, je réfléchis. »